Je vivais, mais bien tristement. Les suites d'un pareil début ne firent pas pour moi de Lausanne un séjour fort agréable. Les écoliers ne se présentaient pas en foule. Pas une seule écolière, et personne de la ville. J'eus en tout deux ou trois gros touchs, aussi stupides que j'étais ignorant, qui m'ennuyaient à mourir et qui, dans mes mains, ne devinrent pas de grands croquenottes. Je fus appelé dans une seule maison, où un petit serpent de fille se donna le plaisir de me montrer beaucoup de musique dont je ne pus pas lire une note et qu'elle eut la malice de chanter ensuite devant monsieur le maître pour lui montrer comment cela s'exécutait. J'étais si peu en état de lire un air de première vue que dans le brillant concert dont je parlais, il ne me fut pas possible de suivre un moment l'exécution pour savoir si l'on jouait bien ce que j'avais sous les yeux et que j'avais composé moi-même. Au milieu de tant d'humiliations, j'avais des consolations très douces dans les nouvelles que je recevais de temps en temps des deux charmantes amies. J'ai toujours trouvé dans le sexe une grande vertu consolatrice, et rien n'adoucit plus mes afflictions dans mes disgrâces que de sentir qu'une personne aimable y prend intérêt. Cette correspondance cessa pourtant bientôt après, et ne fut jamais renouée. Mais ce fut ma faute. En changeant de lieu, je négligeais de leur donner mon adresse, et, forcé par la nécessité de songer continuellement à moi-même, je les oubliais bientôt entièrement.